Coucou, c'est l'heure du débat. Mais le hijab, ce n'est pas la France. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes là ? Le hijab, ce n'est pas la France. C'est sûr. Mais Caroline, mais Karim, mais c'est insupportable enfin votre attitude ! Mais enfin, ça va pas ! Non, laissez-le rester ! Non, appellera le passé ! Non, laissez-le rester ! Je vous donne vraiment l'avis d'un téléspectateur, l'émission devient gênante et même insupportable avec ce brouhaha. Qu'est-ce que tu essayes de me faire dire ? Tu essayes de quoi ? Tu essayes de me parler de l'argent, c'est ça ? Je vous assure que c'est vrai, tous les thèmes sérieux que vous traitez sont dévalorisés et l'image de vos invités qui vaut divers s'en trouve dégradée. Connard ! Oui, c'est insupportable ! C'est insupportable ! Coupez-leur le micro ! Connard ! Toute l'émission, je me crache la gueule ! Non, je vous en prie, arrêtez ! Je vous en prie, coupez ! Coupez !